n'était plus disponible et a été réimprimé par les éditions sociales. Donc c'est le gros livre noir que vous avez derrière. Et vous pouvez en acheter soit ce soir, soit à la librairie du Point du Jour, dont Patrick est responsable. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, donc il y aura à peu près une grosse heure, c'est ça, d'intervention. Entre trois quarts d'heure et une heure d'intervention, et puis du temps pour la discussion une fois que Sina aura fini. En fait, c'est mon intervention qui va prendre ces temps, je crois. Ok. D'abord, je vous remercie d'être là. Je suis très content de pouvoir vous parler de l'introduction des Grundrisse, qui est un texte, comme vous le savez, assez complexe. Vous connaissez un des rares textes de Marx qui a un caractère pour moi, disons, épistémologique ou méthodique, disons. Du coup, je vais commencer, étant donné que voilà, le texte a été déjà présenté un peu son contexte historique et tout, je vais commencer par en parler directement. Je vais également parler un peu des premières pages des Grundrisse, c'est-à-dire là où Marx parle de deux économistes de son temps, Bastiat et Carey. Du coup, je vais commencer par lire le texte, l'annonce de cette séance. Cette introduction est l'un des textes les plus célèbres de Marx. Elle a surtout suscité un grand intérêt parmi celles et ceux qui ont travaillé sur la méthode de Marx et sur la manière dont celle-ci se rapporte à la dialectique hegelienne. C'est notamment un des rares textes où Marx se prononce sur le rapport entre l'ordre logique ou conceptuel et l'ordre historique. Cette question étant de grande importance pour comprendre le Capital. Mais l'intérêt de ce texte ne se réduit pas aux questions méthodologiques ou épistémologiques. On y trouve par exemple une tentative d'explication de la raison pour laquelle la sphère de la production, quoiqu'en un sens élargie, constitue et doit constituer le noyau principal de toute théorie économique qui diffère de celle qu'on trouve dans le Capital. Je vais parler de tout ça en détail par la suite. Mais aussi on trouve dans ce texte un des énoncés les plus célèbres et les plus problématiques de Marx, où il dit « l'anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe ». Et nous allons essayer de problématiser cet énoncé pour en comprendre un peu le sens et la portée. Je voulais au départ un peu parler des interprétations qui ont été données de cet énoncé qu'on trouve chez Lukács, Negri, Žižek ou Ben Saïd. Je ne suis pas sûr d'y arriver, on va voir. Je commence par parler du texte qui porte sur Bastiat et Carey, qui est écrit en juillet 1857, du coup c'est la première partie des manuscrits. Les Grundrisse de Marx commencent par une analyse très brève de la pensée économique de ces deux économistes. Tout au début, Marx adresse un certain nombre de critiques aux économistes de son temps. Il est dit que l'économie politique moderne, après Ricardo et Sismondi, a stagné et que la plupart des économistes après eux sont soit tombés dans l'éclectisme et le manque de rigueur, ce qui caractérise à son avis les travaux de John Stuart Mill principalement, soit ils n'ont travaillé que sur des branches particulières, comme par exemple chez Tooke, sans pour autant réussir à développer les théories économiques de façon importante et multilatérale et totale. On peut par ailleurs rappeler que la critique de l'éclectisme adressée aux économistes libéraux sera plus tard reprise par la plupart des économistes marxistes, avant tout par Engels, mais aussi par Hilferding, Bukharin, etc. L'intérêt de Bastiat et de Carey se situe dans le fait qu'ils sont, selon Marx, les seuls économistes à avoir effectué des travaux plus ou moins originaux. De prime abord, les deux économistes sont très différents. Bastiat est un libre-échangiste fondamentaliste qui était notamment très opposé aux socialistes en France, comme à Proudhon, à Louis Blanc. Tandis que Carey, quant à lui, défendait une économie protectionniste. Il était un des conseillers principaux d'Abraham Lincoln de son temps. Il était très sévère à l'égard du libre-échange et il défendait l'intervention de l'État dans l'économie afin de provoquer la croissance. Marx pense pour autant que les deux économistes suivent des chemins plus ou moins proches et que s'ils sont si différents quant à leurs conclusions, c'est tout simplement parce que Bastiat est français et Carey est américain. Mais vous allez voir qu'est-ce que cela veut dire. Aux États-Unis, la bourgeoisie s'est développée sans aucun rapport avec les formes économiques précédentes, alors qu'en Europe, elle a dû se battre contre le monde féodal qui l'avait précédé. Carrie pense, ce que je dis, c'est Marx qui pense ça, en fait, mais je ne vais pas le rappeler tout le temps. Carrie pense donc que les économistes européens ont confondu le caractère harmonieux des relations bourgeoises avec la forme qu'elles ont prise en Angleterre. Selon Carrie, la société bourgeoise telle qu'elle existe en Angleterre n'incarne pas la forme pure des rapports bourgeois. L'influence néfaste de la tradition féodale anglaise a empêché les relations bourgeoises de se réaliser de façon véritable dans ce pays, ça veut dire en Angleterre. Et c'est surtout à travers l'État britannique et son intervention dans l'économie que ces influences néfastes se sont réalisées. Étant donné que l'industrie britannique est la première force économique mondiale, l'État britannique essaye d'imposer ses interventions néfastes qui sont responsables de tous les antagonismes dont parlent les économistes anglais, notamment celui qui existe entre le travail et le capital, mais aussi l'émergence des monopoles, partout ailleurs. Il faudrait donc que l'État américain protège l'industrie américaine contre les ingérences de l'État britannique et de l'industrie britannique en adoptant une position protectionniste afin que l'industrie américaine puisse rester à l'abri des industries monopolistiques britanniques. Selon Marx, ce qui est très hypocrite et insupportable chez Kerry est le fait qu'il défend les relations bourgeoises tant qu'elles se développent à l'intérieur des États-Unis et qu'il les trouve harmonieuses. Mais ces mêmes relations, dès qu'elles prennent une forme plus avancée et qu'elles se propagent à travers le marché mondial, lui paraissent inharmonieuses et désastreuses. Il ne voit donc pas qu'au fond, il n'y a pas de différence entre la bourgeoisie américaine et la bourgeoisie anglaise, à ceci près que celle-ci, c'est-à-dire la bourgeoisie anglaise, est la forme plus développée de la bourgeoisie américaine, et que son caractère monopolistique n'est que le résultat nécessaire du développement des contradictions internes au capitalisme. Au lieu d'attribuer ces contradictions et cette disharmonie au caractère intrinsèque des relations bourgeoises, Carey les attribue à la forme particulière qu'elles ont prise en Angleterre et sous l'influence de l'État anglais. En revanche, Bastiat est français, et pour lui, ce n'est pas l'État anglais ou les relations bourgeoises britanniques qui représentent l'adversaire. Bien au contraire, face au caractère arriéré du capitalisme français, il ne peut qu'idéaliser ce qui se passe en Angleterre. Pour lui, ce sont principalement les socialistes français et les interventions néfastes de l'État français en économie qui seraient responsables du caractère arriéré de la bourgeoisie française. Selon Bastiat, les socialistes français condamnent la société française de leur temps et critiquent les relations sociales qui président en prétendant, du même coup, qu'ils sont en train de critiquer le caractère bourgeois de ces relations, comme si ces relations bourgeoises s'étaient véritablement développées en France. Alors qu'ils ne savent en réalité rien des relations bourgeoises, car ces relations n'ont jamais réussi à se réaliser dans leur forme pure. Bastiat est donc contre l'intervention de l'État dans l'économie, car il pense que c'est seulement dans un régime de libre concurrence, libéré de l'intervention de l'État, que les relations économiques bourgeoises pourraient se développer de façon complète, et que c'est seulement ainsi que le caractère véritablement harmonieux de ces rapports se manifestera. C'est cette même attitude qui le pousse à adapter une position foncièrement libre-échangiste, car pour Bastiat, c'est principalement en Angleterre et aux États-Unis que les relations bourgeoises ont pu se développer. Et c'est seulement là que le caractère harmonieux de ces rapports peut être constaté. Pour Marx donc, Carey ne voit l'harmonie qu'aux États-Unis, alors que sur le marché mondial, il ne voit que la disharmonie. D'où le fait qu'il veut protéger la prétendue harmonie des relations bourgeoises américaines contre la disharmonie sur le marché mondial, incarné en premier lieu par l'État anglais. Bastiat, quant à lui, ne voit que de l'harmonie sur le marché mondial et que de la disharmonie en France. D'où le fait qu'il veut ouvrir le marché français au marché mondial en militant pour une politique libre-échangiste. La dernière partie de ce texte est consacrée à une analyse plus détaillée d'un certain nombre de propositions qu'on trouve dans le livre de Bastiat qui s'intitule « Harmonie économique ». Mais l'analyser ici ne sera pourtant pas très utile, car pour ce faire, il faudrait qu'on analyse d'abord les positions mises en avant par Bastiat lui-même. On passe donc à l'introduction désormais, qui est beaucoup plus intéressante. Et Marx commence son analyse en nous rappelant, disons, je vais, pour parler de cette introduction, je vais suivre exactement un peu... Le texte, en parlant de plusieurs choses, d'abord je vais parler de la critique des Robinsonades et les théories économiques anhistoriques. Ensuite, je vais parler de la production et ses rapports avec les autres sphères sociales et la dialectique entre la production, la distribution, l'échange et la consommation. Ensuite, je vais parler de la méthode de Marx. On se demande laquelle, parce qu'on va voir qu'en fait, il y a plusieurs méthodes de Marx. Et je vais parler ensuite du rapport entre l'ordre logique et conceptuel et l'ordre historique. Et enfin, je vais parler de l'art et son rapport à la production qui est au fond de la dernière partie de cette introduction. Du coup, s'agissant de la critique des Robinsonades et des théories économiques anhistoriques, Marx commence son analyse en nous rappelant que l'objet de son analyse est la production matérielle. Afin de préciser ce qu'il entend par cela, il s'en prend au départ à la manière dont la production est pensée chez les économistes de son temps. Le problème principal de ces théoriciens réside dans le caractère anhistorique de leur théorie, dans le fait que ce qui n'est qu'un résultat historique est pensé chez ces gens comme le point de départ de l'histoire. Par exemple, l'image de l'individu producteur indépendant qu'on trouve chez les économistes classiques comme Smith et Ricardo, et même la façon dont Rousseau a théorisé le contrat social comme un lien établi de façon libre entre des individus indépendants, n'est qu'une anticipation de la société civile bourgeoise qui se préparait depuis le XVIe siècle. Selon Marx, plus on remonte dans l'histoire, plus on s'aperçoit que les individus ne sont pas indépendants, mais bien dépendants, bien que cette dépendance prenne des formes différentes à l'intérieur des structures différentes, familles, tribaux, communautés, etc. La société civile, par exemple. Marx insiste sur le caractère paradoxal de ce développement historique, en ceci que l'individu singularisé n'a émergé qu'au moment où les rapports sociaux ont atteint, ça je le cite, le plus grand développement qu'ils aient connu. Fin de la citation. L'individu prétendument indépendant n'est donc qu'un produit historique, un produit qui devient, chez les économistes classiques, leur point de départ, et pire encore, le point de départ de l'histoire. Il pense en outre que Bastiat, Carey et Proudhon sont les derniers représentants de cette vision anhistorique et que c'est à cause d'eux qu'il est important de bien la critiquer. Pour éviter la voie anhistorique, quant à l'analyse de la production au sein de la société, il faudrait donc, semble-t-il, se lancer dans une des voies suivantes. Ou bien, je cite, « suivre le procès de développement historique dans ses différentes phases », fin de la citation, ou bien déclarer de prime abord qu'on s'occupe d'une époque historique déterminée, par exemple de la production bourgeoise moderne. C'est les deux voies qu'il pense être possibles si on veut éviter l'anhistorisme. Il est important d'avoir une vision historique car les différentes époques de production ont des caractéristiques différentes. Pourtant, elles ont également certains caractères en commun, certaines déterminations communes. Pour penser ce que ces différentes époques ont en commun, il serait raisonnable d'avoir recours à la catégorie de production en général. Cependant, cette catégorie constitue un ensemble très complexe, car même si c'est vrai que nous avons des déterminations qui sont présentes dans toutes les époques, d'une part, on a des déterminations qui ne sont présentes que dans quelques-unes de ces époques, et d'autre part, on a des déterminations qui ne sont présentes qu'à l'époque la plus moderne et à l'époque la plus ancienne. Il faut donc s'intéresser à ce qui est commun entre les différentes époques. Mais il ne faut pas oublier leurs différences, car si on oublie ces différences, on va par la suite identifier les déterminations générales avec la forme qu'elles revêtent dans l'époque la plus moderne. Par exemple, dans toutes les époques, la production a besoin des instruments de production. Dans l'époque moderne, l'instrument prend la forme du capital privé. Mais ce n'est pas le capital privé qui est présent dans toutes les époques, mais plutôt sa détermination générale, à savoir l'instrument de production. Cette confusion entre les déterminations générales et leur forme historique la plus moderne est ce qui mène, d'après Marx, les économistes à soutenir que la production enclose des lois naturelles éternelles et que c'est seulement la distribution qui varie d'une époque à l'autre. Cela leur permet d'opposer les rapports bourgeois de production comme les rapports éternels. Par exemple, la propriété signifie, par exemple, la catégorie de la propriété. Pour Marx, elle signifie l'appropriation de la nature. Et donc, il est tout à fait correct de dire que la propriété est commune à toutes les époques historiques de production. Pourtant, la forme historique précise que prend la propriété à l'époque moderne, à savoir la propriété privée, n'en est qu'une forme particulière. Et celle-ci n'est nullement reparable dans toute l'histoire. Bien au contraire, pendant très longtemps, c'est la propriété commune qui a joué un rôle déterminant dans la production. Du coup, ça, c'est la critique qu'il adresse au caractère anhistorique des théories économiques des économistes classiques, mais aussi, selon lui, ce qu'on trouve chez Proudhon ou chez Carey, par exemple. La rubrique suivante, c'est la production et ses rapports avec les autres sphères sociales. L'un des intérêts principaux de cette introduction réside dans le fait que Marx essaye d'y justifier la centralité de la sphère de la production d'une manière différente de celle qu'on trouve dans le capital. Nous savons que le capital ne commence pas par l'analyse de la sphère de la production, mais par celle de l'échange. Par là, Marx veut justement se focaliser sur la valeur, qui ne se manifeste que dans l'échange en tant que valeur d'échange. Il essaye de montrer par la suite qu'on ne peut comprendre que la valeur des marchandises, surtout la somme totale des valeurs, augmente si on demeure dans le cadre de l'échange. Que, je cite, « il est impossible d'expliquer par la circulation elle-même la formation d'une plus-value. La somme des valeurs jetées dans la circulation n'y peut s'augmenter. Et que, par conséquent, en dehors d'elle, il doit se passer quelque chose qui rend possible la formation d'une plus-value. » Fin de la citation, c'est une citation du Capital, évidemment. À partir de ce raisonnement, il conclut que pour comprendre d'où vient le passage de la valeur de marchandise de X à X plus Y, pour comprendre, autrement dit, où se situe l'origine de l'accroissement de la quantité de la valeur, il faut, je cite Marx dans le Capital, quitter cette sphère bruyante de la circulation où tout se passe à la surface et au regard de tous. Fin de la citation. Afin de chercher l'origine de l'agrandissement de la valeur, donc de la plus-value, je cite, dans le laboratoire secret de la production. Là, nous allons voir la fabrication de la plus-value. Va enfin se dévoiler. Fin de la citation. Dans l'introduction des Grundrisse, Marx commence son analyse de la production par une analyse des différentes rubriques dont l'accompagnent les économistes. La distribution, l'échange et la consommation. La manière dont les économistes définissent chacun de ces moments prend, selon Marx, la forme suivante. Là, je cite Marx. Dans la production, les membres de la société s'approprient, élaborent, façonnent les produits de la nature aux besoins humains. La distribution détermine la proportion dans laquelle l'individu singulier reçoit sa part de ses produits. L'échange lui procure les produits particuliers en lesquels il veut convertir la quote-part qui lui est dévolue par la distribution. Dans la consommation, enfin, les produits deviennent objets de jouissance, d'appropriation individuelle. Fin de la citation. L'analyse que Marx propose de ces quatre moments prend une forme strictement hegelienne, où les quatre moments constituent, selon Marx, un syllogisme entre l'universalité, représentée par la production, la particularité, représentée par la distribution et l'échange, et la singularité, représentée par la consommation. Il s'agirait donc de considérer ces moments dans leur unité, et l'erreur commise par les économistes classiques réside, selon Marx, en ceci qu'ils analysent chacun de ses membres séparément, alors même qu'il faudrait les analyser comme les différents moments d'une unité organique où chaque moment serait lié de façon dialectique aux autres. Marx procède par la suite à l'analyse de ce rapport dialectique entre ces différents moments. S'agissant par exemple du rapport entre la production et la consommation, il insiste sur le fait que les deux termes, bien que séparés et différents, constituent en même temps une sorte d'identité, d'unité. Toute production, par exemple, repose sur la consommation d'un certain nombre d'éléments qui s'usent afin de donner naissance au produit. De même, toute consommation donne lieu à une production. Une personne qui consomme quelque chose est en train de produire son propre corps, par exemple. Le rapport entre la production et la consommation est dialectique à un autre niveau également. D'une part, c'est seulement dans la consommation que la production s'achève. Car, je le cite, le produit ne connaît son ultime finish, il utilise un mot anglais, que dans la consommation. Un chemin de fer sur lequel on ne roule pas, qu'on n'use donc pas, n'est pas consommé, n'est un chemin de fer qu'en puissance et non dans la réalité. Fin de la citation. C'est en outre la consommation qui donne à la production son but, son orientation. C'est la consommation et le besoin qui est à sa base qui rend la production nécessaire et lui donne une image idéale de ce qu'elle doit produire. Tout ça, ça montre quoi, voilà, à quel point la consommation est essentielle pour la production. D'autre part, sans qu'il y ait quelque chose à consommer, il ne peut pas y avoir de consommation. Mais il est nécessaire que ce qui est consommé soit d'abord produit et surtout reproduit. C'est donc la production qui donne à la consommation son objet. Pourtant, la production ne donne pas à la consommation, purement et simplement, ses objets. Car la production ne produit jamais un objet en général, mais toujours un objet particulier et déterminé, dont le caractère déterminé influence la forme que prend la consommation et la modifie. Là, je le cite, « La faim est la faim, mais la faim qui se satisfait avec de la viande cuite, mangée avec fourchette et couteau, est une autre faim que celle qu'on avale de la chair crue à l'aide des mains, des ongles et des dents. » Fin de la citation. Encore une autre citation. La production ne fournit donc pas seulement un matériau aux besoins, elle fournit aussi un besoin à son matériau. L'objet d'art, comme tout autre produit, crée un public apte à comprendre l'art, à jouir de la beauté. La production nous produit donc pas seulement un objet pour le sujet, mais aussi un sujet pour l'objet. À mon avis, cette idée de faire comme si le besoin esthétique ressemblait dans sa nature au besoin naturel, comme le fait de manger, c'est une erreur extrêmement grave. Et à mon avis, beaucoup de choses problématiques dans la théorie de Marx est exactement liée à cette erreur, mais je ne vais pas en parler actuellement. Parce que c'est vrai que le besoin esthétique, ce n'est pas seulement la forme que prend la satisfaction de ce besoin qui est une création historique, mais le besoin lui-même. Mais s'agissant par exemple du fait de manger, certes, la forme que prend la satisfaction de ce besoin, c'est toujours historique, mais le besoin lui-même n'est pas historique. En fait, si c'était historique, ça veut dire que par exemple, historiquement, on pourrait arriver à un moment où il n'y aura plus besoin de consommer, par exemple de manger. Alors que, me semble-t-il, que chez Marx, il confond le fait du besoin et le fait de la manière dont on satisfait un besoin. Ce qui fait que, selon lui, grosso modo, il n'y a pas une différence fondamentale entre le besoin d'un objet esthétique et le besoin, par exemple, de manger ou de boire, par exemple. Mais on pourrait y revenir dans la discussion. La production et la consommation sont donc dans un rapport dialectique. En ceci qu'elles forment ensemble une unité, voire une identité, mais elles sont également différentes. Mais alors, s'il s'agit d'un rapport dialectique, faudrait-il privilégier un des deux moments? C'est en tout cas le point de vue de Marx, qui justifie ainsi, une longue citation, parce qu'il le dit très clairement, que l'on considère la production et la consommation comme des activités d'un sujet ou d'individu singulier, elles apparaissent en tout cas comme les moments d'un procès dans lequel la production est le point de départ effectif et par suite aussi le moment qui recouvre les autres. La consommation en tant que nécessité vitale ou besoin est elle-même un moment interne de l'activité productive. Mais cette dernière est le point de départ de la réalisation et par suite aussi son moment prédominant, l'acte dans lequel tout le procès s'accomplit de nouveau. Fin de la citation. Marx passe ensuite à l'examen du rapport entre la production et la distribution. Il s'en prend dès le départ à tous les économistes qui considèrent ces deux moments comme séparés. Alors que pour Marx, l'articulation de la distribution est entièrement déterminée par celle de la production. La distribution elle-même est un produit de la production. Le mode déterminé de participation à la production déterminant les formes particulières de la distribution, la forme de participation à la distribution. D'après Marx, l'origine de cette erreur des économistes qui consiste à poser la distribution comme indépendante de la production se situe dans le fait que la distribution est souvent considérée du point de vue de la distribution des produits, alors que la distribution a un sens plus fondamental qui recouvre celle des instruments de production, mais aussi celle qui distribue les membres de la société entre les différents types de travail. La distribution des produits n'est que le résultat de cette distribution, ça veut dire des instruments de la production. Et cette distribution des instruments de la production est à son tour, je le cite, incluse dans le procès de production lui-même et détermine l'articulation de la production. Fin de la citation. C'est pour cette raison que Marx croit que la distribution dépend de la production. Il reconnaît en même temps que l'intrication plus fondamentale entre la production et la distribution des instruments de production a conduit, par exemple, Ricardo à considérer non pas la production, mais la distribution comme constituant le sujet véritable de l'économie politique moderne. Marx répond pour autant que même s'il est vrai que la distribution dans ce sens fondamental précède au départ la production, ces formes de distribution ne sont que, je le cite, des données naturelles. Le procès même de la production les transforme de naturel en historique. Et s'ils apparaissent pour une période comme présupposition naturelle de la production, pour une autre période, ils ont été son résultat historique. Dans le cadre même de la production, ils sont constamment modifiés. Fin de la citation. Enfin, s'agissant du rapport entre la production et l'échange et circulation, si dans le capital, l'échange est présenté, comme nous l'avons vu, comme dépendant de la production en vue de l'augmentation de la plus-value, ici Marx dit que l'échange n'est qu'un moment de médiation entre la production et la distribution et la consommation. Étant donné que ces derniers moments sont tous au même inclus dans la production, l'échange, quant à lui, est aussi inclus dans la production. Il divise par la suite l'échange en plusieurs catégories. L'échange d'activités et de capacités qui s'effectue durant le processus de production fait partie de la production. De même, quand on échange des produits afin de faciliter la production d'un autre produit, cette forme d'échange fait toujours partie de la production. Enfin, l'échange entre les différents dealers dépend de la distribution et celle-ci dépend à son tour de la production. Même quand l'échange s'effectue en vue de consommation finale, le fait que l'échange puisse avoir lieu dépend de la division du travail, la propriété privée, etc., qui sont des faits de la production. Marx conclut de ses analyses que la production, la distribution, l'échange et la consommation sont certes différents, mais des différences à l'intérieur d'une totalité, d'une unité. Cette totalité est elle-même la production, non pas au sens immédiat du terme, mais dans un sens élargi que nous venons de voir. Autrement dit, la production est, dans le sens restreint, un des moments de la totalité, mais dans le sens élargi, elle est la totalité elle-même. Le fait que la totalité soit la même chose que la production, quoique en un sens élargi, peut paraître peu convaincant. On peut se demander pourquoi la totalité ne serait pas un moment indépendant de tous les quatre moments. Dans son analyse, Marx attribue tout ce qui est essentiel dans la distribution, dans la consommation et dans l'échange à la production pour lui donner un sens élargi, tout en réduisant les autres moments à des déterminités très pauvres. Le fait est que l'analyse de Marx ne justifie pas vraiment cet appauvrissement des trois moments au profit de l'élargissement de la portée de production. Marx aurait pu maintenir l'indépendance de chaque moment tout en établissant leur dépendance réciproque et dialectique au sein d'une totalité débordant les quatre moments. Mais étant donné que Marx vise à établir, on pourrait dire de façon unilatérale, la domination de la production, il n'établit pas à la fin une dialectique entre ces moments, mais plutôt la manière dont tous les autres moments sont dominés par la production. C'est par ailleurs un problème bien repéré par David Harvey dans son livre « The Limits to Capital ». Certes, Marx dit, tout à la fin de son analyse, que, je le cite, la production, elle aussi, sous sa forme unilatérale, est, de son côté, déterminée par les autres moments. Fin de la citation. Pourtant, afin d'établir la prééminence de la production, Marx lui attribue tout ce qui est important dans les autres moments, de sorte que les autres moments deviennent tellement pauvres qu'on a du mal à imaginer comment ils pourraient influencer une production qui englobe tout. Il faut rappeler ici qu'une partie des problèmes associés à la théorie économique de Marx, comme par exemple la sous-estimation du rôle de la valeur d'usage, repérée par les partisans de l'école autrichienne, principalement, avant tout par Eugen von Baumbawerk, comme par exemple la sous-estimation du rôle de la valeur d'usage, pardon, ça je l'ai dit, de la valeur d'usage, mais aussi le rapport inégal entre les différents secteurs économiques, surtout quand il s'agit d'analyser le rapport entre les valeurs et les prix, parce que le rapport inégal entre les différents secteurs économiques et l'impact de ce rapport inégal entre la transformation des valeurs en prix de production, comme on va le voir plus tard, pas ici, mais ça se manifestera dans les débats entre les marxistes et les néo-ricardiens, est un point essentiel pour comprendre le rôle important joué par la distribution dans le mécanisme économique. Parce que les néo-ricardiens montreront que tous les secteurs économiques ne jouent pas le même rôle quand il s'agit de transformer les valeurs en prix de production. En tout cas, tous ces problèmes sont liés à cette absence d'une analyse véritablement dialectique entre les différents moments de la totalité économique. À mon avis, si on veut faire une analyse dialectique de deux ou plusieurs moments, il faudrait que tous ces moments puissent jouer dans cette analyse un rôle suffisamment actif. Si on appauvrit très fortement un de ces moments et si on rend les autres moments extrêmement puissants, ce qu'on établit n'est plus un véritable rapport dialectique en ce moment, mais plutôt on arrive à montrer comment un moment est totalement dominé par l'autre. Et à mon avis, Marx n'arrive pas à justifier pourquoi, au lieu d'établir un rapport dialectique entre ces différents moments, qu'on pourrait considérer comme faisant partie d'une totalité qu'on nommerait économique. Pourquoi dire que la totalité serait production ? Pourquoi ne pas dire tout simplement que la totalité serait la totalité économique qui se constituerait par la suite de plusieurs moments, la production, la distribution, l'échange, la consommation, et par la suite on établirait un rapport dialectique, véritablement dialectique, où chaque moment influence l'autre, mais il est influencé réciproquement par l'autre. Mais ce n'est pas ce que Marx fait véritablement dans les rondes. C'est comme j'ai dit, ça a été repéré de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été repéré par beaucoup de penseurs, mais surtout Harvey qui a beaucoup travaillé dessous. Là, on passe de véritable intérêt de ce test, qui est la méthode de Marx. Il faut se demander laquelle. Parmi les différents sujets touchés par cette introduction, les analyses méthodologiques que Marx y développe ont suscité le plus grand intérêt. Nous allons d'abord analyser ce que Marx entend par la bonne méthode dans cette introduction, avant de comparer ce qu'il dit avec ce qu'il avait dit avant dans l'idéologie allemande et ce qu'il a dit plus tard dans le Capital. Dans l'introduction, Marx commence en disant qu'il peut sembler évident que l'analyse économique doit toujours commencer par la réalité empirique et concrète, par exemple par la population. Mais il dit tout de suite que cela n'est qu'une erreur. Si l'on commence par le concret, on aura une totalité indéterminée, chaotique, qui ne permettra pas une analyse précise. C'est seulement par le biais de l'analyse qu'on arrivera à dégager de cette totalité chaotique des concepts de plus en plus précis. Mais cette démarche analytique est marquée par un autre problème. Les concepts et les déterminations qu'on dégage par l'analyse mettent les différents aspects de la totalité en rapport de façon contingente et ne les associent que dans la pensée, alors qu'ils ont entre eux un rapport organique et nécessaire. C'est pourquoi la bonne méthode, du point de vue scientifique, devrait toujours être la suivante. Là, je le cite. Il faudrait refaire le chemin à rebours jusqu'à ce qu'enfin on arrive de nouveau à la population, qui cette fois ne serait plus la représentation chaotique d'un tout, mais une riche totalité de maintes déterminations et relations. Fin de la citation. Il est un peu difficile de comprendre si Marx entend par la bonne méthode scientifique seulement celle qui va des déterminations abstraites à la totalité ou celle qui englobe les deux mouvements. Ce n'est pas du tout clair dans le texte. À la fois du concret à l'abstrait et de l'abstrait au concret. Ce n'est pas clair si, qu'est-ce qu'il entend par la bonne méthode. Marx insiste sur le fait que la première démarche, celle qui passe du concret chaotique à l'abstrait, volatilise la plénitude de la représentation du concret en une série de déterminations abstraites, alors que la bonne méthode consiste à partir de cette détermination afin de reproduire le concret dans sa totalité. Une totalité qui ne sera plus chaotique et indéterminée, mais bien déterminée. Vous reconnaissez que c'est Hegel qui parle. C'est vraiment Hegel qui parle. On parle de l'être, une catégorie abstraite. On arrive à le même être, mais bien déterminé à la fin. Hegel ontologique, disons. Quoi qu'il en soit, voilà, ça je l'ai dit. Enfin, voilà. Étant donné que dans la bonne méthode, on part des déterminations abstraites qui se sont produites par les analyses effectuées par la pensée sous le concret de la représentation, et que le cheminement qui mène de cette détermination à la totalité déterminée se fait toujours dans la pensée, on peut facilement tomber ici dans l'illusion idéaliste, qui consiste à croire que c'est la pensée elle-même qui produit la totalité ainsi établie. L'erreur de l'attitude idéaliste consiste en ceci qu'elle oublie, Marx semble vouloir dire, que les déterminations abstraites qui forment son point de départ sont, quoi qu'elles soient produites par la pensée, des déterminations développées à partir du concret, et que le vrai point de départ n'est pas la pensée, mais le concret chaotique qui est à la base de nos intuitions et de nos représentations. De surcroît, la façon dont la pensée s'achemine à partir des déterminations abstraites ne coïncide pas forcément avec la manière dont le concret s'est développé au cours de son développement. Cette dernière remarque nous amène à la question difficile du rapport entre la genèse du concept et celle de la pensée. Pardon, la genèse du concept et celle du concret. Pourtant, avant de se focaliser sur ce point, il faut comparer ce que Marx entend par la bonne méthode dans l'introduction avec ce qu'il considère comme la bonne méthode dans l'idéologie allemande et dans le Capital. Dans l'idéologie allemande, texte qu'il a co-dirigé entre le printemps 1845 et la fin 1846, il défend une méthode ou une épistémologie foncièrement empirique. Une méthode qu'il ne cesse de raffermer tout au long du texte. Là, je cite Marx dans l'idéologie allemande. Les prémices dont nous partons ne sont pas des bases arbitraires, des dogmes, ce sont des bases réelles, dont on ne peut faire abstraction qu'en imagination. Ce sont des individus réels, leurs actions et leurs conditions d'existence matérielles, celles qu'ils ont trouvées toutes, comme aussi celles qui sont nées de leur production. Ces bases sont donc vérifiables par voie purement empirique. Fin de la citation. Ou ailleurs dans l'idéologie allemande. À l'encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au ciel qu'on monte ici. Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, non plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et la représentation d'autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os. Non, on part des hommes dans leur activité réelle. C'est à partir de leur processus de vie réelle qu'on en représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle qu'on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. Fin de la citation. Vous voyez le rôle important joué par le mot empiriquement. En fait, j'aurais pu donner 5 autres citations dans l'idéologie allemande où il s'agit d'insister qu'à chaque étape d'analyse, il faut se référer à ce qui est là empiriquement. La vision empirique qu'il défend dans l'idéologie allemande semble correspondre à la démarche qui, selon l'introduction, commence par le concret afin d'arriver à l'abstrait. Nous avons vu que dans la méthode empirique qui consiste à commencer par la réalité empirique afin d'en dégager un certain nombre de concepts et de catégories analytiques générales, est explicitement critiquée. Dans l'introduction, cette démarche est critiquée. On voit donc à quel point la méthode telle que défendue par l'idéologie allemande diffère considérablement de celle qu'il défend dans l'introduction. On peut même se permettre de dire que ce que Marx appelle dans l'introduction la genèse de la pensée et qui s'achemine selon les règles de la pensée correspond à une démarche que Marx taxait dans l'idéologie allemande de spéculative ou philosophique. Les choses se complexifient encore davantage lorsqu'on se focalise sur la bonne méthode telle qu'élaborée dans le Capital. Nous avons vu que dans l'idéologie allemande, Marx défend une méthode qui doit partir de la réalité empirique et qui doit toujours, à toutes les étapes, s'y référer. Dans les grands essais, il accepte toujours que le point de départ de nos intuitions et de nos déterminations abstraites soit le concept empirique, soit le concret empirique. Mais il dit explicitement qu'à partir de ce moment, les concepts poursuivent une genèse qui leur est propre et qui ne correspond pas forcément à celle de la réalité empirique. Dans le Capital, Marx prend une plus grande distance avec l'empirisme et c'est principalement lié, à mon avis, au fait qu'il s'est heurté de dégrandir au Capital au problème de la transformation des valeurs en prix de production. Dans le Capital, tout accès empirique à l'essence du capital est bloqué par ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Là, je cite Marx dans le livre 3, parce que c'est là où la méthode de Marx se révèle de façon très très claire, parce que c'est là aussi où il s'agit d'expliquer le rapport entre la théorie élaborée dans le capital et la réalité dite empirique. C'est aussi l'enjeu du problème de la transformation des valeurs en prix de production. Là, je cite le livre 3. La forme achevée des rapports économiques, telle qu'elle apparaît en surface, dans son existence concrète, donc aussi dans les représentations qu'on s'en font, que nous en faisons, pour essayer de les comprendre, ceux qui personnifient ces rapports et qui en sont les agents, est très différente, voire juste l'opposé de sa structure interne, essentielle, mais cachée, et du concept qui lui correspond. Vous voyez, l'apparence, la réalité empirique est non seulement différente de ce qui se passe dans le concept, en réalité, il est l'opposé. Ils sont opposés. Chez Marx, fin de la citation, chez Marx, suite à la prétendue rupture avec la philosophie, ce n'est pas une méthode qui s'est développée, mais au moins trois, dont chacune est très différente des deux autres. La rupture épistémologique défendue par Althusser entre Marx avant l'idéologie allemande et Marx après l'idéologie allemande est donc une simplification, voire une confusion très grossière. La rupture avec la philosophie de Bauer et de Ruge, autrement dit avec la critique de la religion et de la théologie, s'est bel et bien produite lorsque Marx a co-dirigé l'idéologie allemande. Mais par la suite, Marx s'intéresse de nouveau à la philosophie, pas tant à son contenu qu'à sa méthode. Et si, dans les grandes risées, c'est Hegel, surtout son idée de la négation, et l'idée que chaque moment historique est marqué par une contradiction qui mènera à son dépassement, qui revient dans le Capital, c'est non seulement Hegel, mais surtout Feuerbach qui fait un retour glorieux. C'est le fétichisme de la marchandise, ou l'idée de l'inversion du sujet et de l'objet, bien que déjà présent chez Hegel, car le fétichisme de la marchandise, l'idée de l'inversion du sujet et de l'objet, bien que déjà présente chez Hegel, est une idée principalement feuerbachienne. Il faut pourtant rappeler que le premier à avoir appliqué l'idée de l'inversion du sujet et de l'objet de Feuerbach en catégorie économique ne fut pas Marx, mais Moses Hess, qui appliqua cette idée à une analyse de l'argent, une analyse que Georg Simmel reprendra à son tour dans la philosophie de l'argent, dans ce qu'il appellera l'inversion entre le but et le moyen. Or, Marx s'inspira de Hess pour appliquer la catégorie feuerbachienne de l'inversion, non pas à l'argent, mais à sa forme la plus développée, à savoir au capital. Le capital de Marx constitue donc une rupture très forte avec l'empirisme revendiqué dans l'idéologie allemande, et les grandrissés se situent quelque part entre les deux approches, et à ce titre plus ambivalent. La rubrique suivante, c'est le rapport entre l'ordre logique et conceptuel et l'ordre historique, qui est toujours lié, bien évidemment, à la question de la méthode. Comme nous l'avons déjà indiqué, le rapport entre la genèse du concept et celle du concret est une des questions les plus importantes de l'analyse de la méthode dans l'introduction. Dans le Capital, l'attitude de Marx à l'égard de cette question vacille. Si Engels, notamment dans sa postface au livre 3 du Capital, défend sans ambiguïté l'idée que la genèse de l'ordre conceptuel correspond à celle de l'ordre historique, Marx adapte une position plus ambivalente. Cependant, il y a des moments dans le Capital où Marx défend, lui aussi, l'idée qu'il existe entre les ordres, entre ces deux ordres, une correspondance claire et linéaire. Par exemple, déjà dans le livre 1, Marx dit explicitement que la genèse du concept, telle que tracée dans le livre, correspondra à la genèse historique du concret, en l'occurrence l'Allemagne. Là, je cite Marx. Il dit « J'étudie dans cet ouvrage, c'est le livre 1, j'étudie dans cet ouvrage nos modes de production capitaliste et les rapports de production et d'échange qui lui correspondent. L'Angleterre est le lieu classique de cette production. » Voilà pourquoi j'emprunte à ce pays les faits et les exemples principaux qui servent d'illustration au développement de mes théories. Si le lecteur allemand se permettrait un mouvement d'épaule pharisaïque à propos de l'état des ouvriers anglais, industriels et agricoles, on se berçait de l'idée optimiste que les choses sont loin d'aller aussi mal en Allemagne. Je serais obligé de lui crier « C'est ton histoire qu'on raconte. C'est ton histoire qu'on raconte. Okay » Fin de la citation. Ou encore, lorsqu'il essaye de défendre le mécanisme de la transformation des valeurs en prix de production, il dit, je le cite, « L'échange de marchandises à leur valeur s'oppose à un stade moins avancé que l'échange au prix de production, qui nécessite un niveau élevé de développement capitaliste. Il est donc entièrement conforme à la réalité de reconnaître à la valeur des marchandises la priorité non seulement théorique, mais aussi historique, sous les prix de production. » Fin de la citation. Ça veut dire qu'entre les valeurs et les prix de production, en fait, il y a un ordre historique et il y a un ordre théorique. Et ces deux ordres ont exactement le même, en fait, exactement le même rapport à l'intérieur de ces deux ordres, entre ces deux concepts. Fin de la citation. Nous savons que plus tard dans sa vie, dans ses correspondances avec Vera Zasulovitch, militante russe exilée à Genève, en Suisse, Marx défend au contraire l'idée que la jeunesse théorique élaborée dans le Capital ne correspond qu'à la jeunesse historique des pays de l'Europe de l'Ouest, et qu'il ne faut pas croire qu'il existe une correspondance linéaire entre ces deux ordres dans tous les pays. L'introduction des Grandrissés a ce titre très intéressant, en ceci qu'on y trouve une des rares tentatives pour penser cette question de façon plus systématique. D'autant plus que c'est Marx qui s'oppose lui-même cette question de façon explicite. Là, je cite Marx. Mais ces catégories simples n'ont-elles pas aussi une existence indépendante de caractère historique ou naturel antérieure à celle des catégories plus concrètes? Et il lui donne une réponse très problématique. Il dit « ça dépend ». Fin de la citation. Que voyons en quoi ça dépend. Au départ, en plus, il le dit en français. Il dit « ça dépend » dans le texte allemand. Au départ, Marx lui donne une réponse plutôt affirmative. Une catégorie simple ou abstraite ne précède pas une catégorie concrète ou complexe seulement dans l'ordre de la pensée, mais aussi dans l'ordre historique réel. Et cela dans deux sens. Premièrement, dans le sens où le concret auquel correspond cette catégorie plus simple précède historiquement le concret auquel correspond la catégorie plus concrète et plus complexe. Deuxièmement, dans le sens où la catégorie plus abstraite ou plus simple exprime des rapports subordonnés d'un tout dont les rapports dominants s'expriment par la catégorie plus concrète. Cela amène Marx à affirmer que, je le cite, « dans cette mesure, la marche de la pensée abstraite qui s'élève du plus simple au plus complexe correspondrait au processus historique réel. » Fin de la citation. D'autre part, pourtant, Marx propose une analyse qui semble mettre en cause l'idée qu'entre les deux ordres puisse exister une correspondance. La catégorie de l'argent peut être utilisée à titre d'illustration. Il s'agit d'une catégorie très simple. Et bien qu'on en trouve des traces historiques très tôt dans l'histoire, ce sont seulement dans les rapports situés à l'intérieur de l'époque historique la plus développée qui sont exprimés véritablement par cette catégorie. On voit ainsi qu'une catégorie abstraite ou simple ne correspond pas à une époque historique moins développée, mais à une époque historique plus développée. De même, la catégorie du travail simple est une catégorie très abstraite. Pourtant, le travail en général, ou travail simple, ne devient en réalité effectif que lorsque émerge une forme historique à l'intérieur de laquelle on assistera à une indifférence effective à l'égard de la forme particulière du travail. Je le cite, « L'indifférence à l'égard du travail déterminé correspond à une forme de société dans laquelle les individus passent avec facilité d'un travail à l'autre, et où le genre déterminé de travail pour eux est pour eux fortuit, donc indifférent. L'indifférence à l'égard du travail déterminé correspond à une forme de société dans laquelle les individus passent avec facilité d'un travail à l'autre et où le genre déterminé de travail est pour eux... Pardon, en fait, je l'ai répété. Fin de la citation. On voit donc qu'une catégorie si simple et abstraite, le travail abstrait ou simple, exprime de façon adéquate les rapports dominants d'une époque historique ou de la société la plus moderne, comme par exemple aux États-Unis. On voit donc dans cet exemple qu'il se peut parfaitement que la jeunesse de la pensée qui s'élève du plus simple au plus complexe ne correspond pas à la jeunesse historique réelle, quoique parfois ce soit le cas. Que parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. Du coup, ça dépend. Pourtant, la chose se complexifie encore davantage lorsque Marx nous rappelle que l'indifférence à l'égard de la forme du travail n'exprime pas seulement la société la plus moderne, à savoir la société américaine, mais aussi une société très primitive et barbare, comme la Russie. En tout cas, la haine de Marx à l'égard de la Russie est un fait très très connu. Tout au long de sa vie, il faut le dire. Il insiste pour autant sur l'idée que cette indifférence à l'égard d'un travail déterminé chez les Américains est le résultat d'un développement historique bien poussé, tandis que chez les Russes, cela correspond à, je le cite, leur assujettissement traditionnel à un travail bien déterminé, auquel ne peuvent les arracher que des influences extérieures. Fin de la citation. La catégorie la plus simple correspond donc à la fois à une société très peu développée et à la société la plus développée. Mais Marx dit qu'il ne s'agit pas dans les deux cas du même rapport. En quoi l'indifférence des Américains à l'égard d'un travail déterminé diffère de celle des Russes? Qu'est-ce que Marx entend par les influences extérieures auxquelles les Russes seraient toujours assujettis? Pour comprendre la réponse de Marx à cette question, il faut se référer à une autre partie des Grundrisse, plutôt vers la fin du livre, où Marx élabore de façon détaillée sa compréhension du travail et de son développement historique, ainsi que son rapport avec les influences externes. Il n'est pas possible de développer cette idée ici, ça prend beaucoup de temps. Il suffit juste de dire qu'il s'agit de faire appel à l'idée hegelienne de négation de la négation, afin d'expliquer la différence entre le travail forcé et le travail libre. On pourrait pour autant dire que pour Marx, l'indifférence des Américains à l'égard d'une forme déterminée du travail représente l'aspect central de la formation sociale américaine, tandis qu'en Russie, cette indifférence n'est pas centrale, mais secondaire par rapport à d'autres formes de relations sociales. C'est donc seulement aux États-Unis, à l'intérieur de la forme historique la plus avancée, que la catégorie la plus abstraite, l'argent ou le travail général, devient valable dans toute sa portée. Cela amène Marx à proposer la thèse suivante, très importante, que je vais la lire. La société bourgeoise est l'organisation historique de la production la plus développée et la plus variée qui soit. De ce fait, les catégories qui expriment les rapports de cette société permettent en même temps de se rendre compte de l'articulation et des rapports de production de toutes les formes de société disparues avec les débris et les éléments desquels elle s'est édifiée. L'anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe. Le singe annonciateur d'une forme supérieure dans les espèces animales d'ordre inférieur ne peuvent pour autant être compris que lorsque la forme supérieure est elle-même déjà connue. Fin de la citation. De prime abord, ce que Marx dit peut sembler clair. Les catégories qu'on doit utiliser pour comprendre dans la pensée, lesquelles qu'on doit utiliser pour comprendre dans la pensée une totalité sociale, acquièrent leur signification explicite seulement dans le concret le plus avancé, alors qu'à l'intérieur des concrets moins avancés, ces catégories n'ont qu'un sens indicatif. C'est donc seulement en s'appuyant sur le sens explicite que ces catégories acquièrent dans le concret le plus avancé qu'on pourrait comprendre les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Cela nous permet par la suite de comprendre également le caractère différent des concrets moins développés, en élaborant les rapports différents que ces catégories entretiennent entre elles dans ces concrets différents. Mais en s'appuyant pour penser leurs rapports différents sur le sens explicite que ces catégories ont acquis dans le concret le plus avancé. Par exemple, c'est seulement dans la société la plus avancée qu'on comprend que c'est le travail général. C'est seulement dans la société la plus avancée qu'on comprend qu'est-ce que c'est le travail général. Mais si l'articulation du travail général et les autres catégories dans la société la plus avancée est différente, donc l'articulation entre le travail général et les autres catégories est certes différente des articulations que le travail général entretient avec les autres catégories dans les sociétés moins avancées. Mais pour comprendre ces sociétés arriérées, il faut utiliser le sens que le travail général a acquis dans la société la plus avancée. Est-ce que vous voyez ou non, du coup? Ça veut dire que c'est seulement dans la société la plus avancée que les catégories élémentaires manifestent leur sens explicite. Maintenant, dans la société la plus avancée, il existe entre ces différentes catégories un certain nombre de relations. Okay? Dans les sociétés moins avancées, ces mêmes catégories ont des articulations, des relations différentes. Mais pour comprendre ces articulations différentes dans les sociétés moins avancées, il faut utiliser le sens que ces catégories ont acquis dans la société la plus avancée, et pas le sens que ces catégories avaient au sein de leur propre histoire. Parce que le sens que ces catégories avaient dans les sociétés moins avancées, c'était un sens implicite, ce n'était pas encore leur véritable sens. Du coup, c'est grosso modo ça ce qu'il entend par le fait que c'est la société la plus moderne qui nous permet de comprendre la société la moins moderne. Parce que les catégories qu'on utilise pour comprendre, disons, les différentes formations sociales ont des articulations différentes dans chaque société, mais le sens qu'a chaque catégorie, en fait, il faut utiliser le sens qu'a chaque catégorie seulement dans la société la plus avancée. Parce que c'est seulement dans la société la plus avancée que ces catégories manifestent leur véritable sens, selon Marx en tout cas. Que la société ou la forme dite plus développée soit la clé pour comprendre la société ou la forme dite moins développée, n'établit-il pas un rapport entre le présent et le passé qui serait d'ordre téléologique? Est-ce que ce que Marx dit ne contredit pas ce qu'il avait dit auparavant dans l'idéologie allemande, où il s'en prenait à Sceaux? C'était vraiment à Sceaux, c'était j'aime pas à Sceaux, du coup, je ne peux pas dire Sceaux et Sceaux, parce qu'il s'en prenait à des mecs, quoi, qui justement proposaient des lectures téléologiques de l'histoire. Là, je cite Marx dans l'idéologie allemande. L'histoire n'est pas autre chose que la succession des différentes générations dont chacune exploite les matériaux, les capitaux, les formes productives qui lui sont transmis par toutes les générations précédentes. De ce fait, chaque génération continue donc, d'une part, le mode d'activité qui lui est transmis, mais dans des circonstances radicalement transformées. Et d'autre part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant à une activité radicalement différente. C'est ça ce qui est important, ce qu'il dit. Ces faits, on arrive à les dénaturer par la spéculation en faisant de l'histoire récente le but de l'histoire antérieure. Fin de la citation. Ce que dit Marx dans l'idéologie allemande. Il faut cependant savoir... Du coup, est-ce que Marx n'est pas en train de faire exactement ce qu'il critiquait chez les philosophes? Ce qu'il est en train de défendre dans les grandes essais, est-ce que ce n'est pas, à la fin des fins, ce qu'il reprochait à Stirner et à Bauer? Il faut cependant savoir que dans l'introduction, peu après la partie portant sur le rapport entre les hommes et les singes, Marx réitère ce qu'il avait dit dans l'idéologie allemande. Là, je cite Marx dans l'introduction. Ce qu'on appelle développement historique repose sur le fait que la forme dernière considère les formes passées comme des étapes conduisant à elles-mêmes, comme de plus elle est rarement capable de faire sa propre critique, comme de plus elle est rarement capable de faire sa propre critique, elle les conçoit toujours de façon unilatérale. Ce que Marx dit dans l'introduction qui très correspond exactement à ce qu'il disait dans l'idéologie allemande. Du coup, on peut se demander, du coup, qu'est-ce qu'il entend par ça? D'une part, quand il dit que l'humain, c'est la clé pour le singe, c'est téléologique. En même temps, il est en train de critiquer, à la fois dans l'idéologie allemande, mais aussi dans l'introduction, en fait, d'une attitude, disons, téléologique, où le plus récent serait la clé pour comprendre le passé. Donc, vu que la société bourgeoise n'est pas capable... Maintenant, qu'est-ce que, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut comprendre... ce paradoxe. Donc, vu que la société bourgeoise n'est pas capable de comprendre qu'elle est elle-même une forme contradictoire de développement, ce qui exigera qu'elle ait une attitude critique à l'égard d'elle-même, elle conçoit les formes précédentes non plus comme des formes contradictoires, mais comme des formes plus simples et moins développées de tout ce qu'on trouve dans la société bourgeoise. Ce que Marx critique chez les philosophes allemands dans l'idéologie allemande et chez les économistes dans les grands essais n'est donc pas, à mon avis, la vision téléologique de l'histoire, mais l'idée que ces dernières ne voient pas que c'est le caractère contradictoire des formes sociales du passé qui a engendré leur dissolution et que la forme sociale la plus développée, à savoir la forme bourgeoise, est également marquée par des contradictions qui vont conduire à sa dissolution. La forme la plus développée du caractère contradictoire du développement bourgeois se manifeste par la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Une loi qui est, selon Marx, comme il le dit bien plus tard dans les manuscrits, là je le cite, à propos de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, à tout point de vue, la loi la plus importante de l'économie politique moderne et la plus essentielle à la compréhension des rapports les plus complexes. Du point de vue historique, c'est la loi la plus importante. Fin de la citation. Du coup, à mon avis, même dans l'idéologie allemande, ce n'est pas en réalité la forme téléologique que Marx est en train de critiquer, mais plutôt le fait qu'on considère le présent comme incarnant la fin ultime de l'histoire, et alors qu'en oubliant que le présent est marqué par des contradictions qui vont conduire à son dépassement. Et le fait qu'on conçoit le présent comme étant à l'abri des contradictions nous conduit à considérer également les moments du passé, non pas dans leur caractère contradictoire, mais seulement comme le présent, mais seulement un peu moins développé, si vous voulez. Mais il me semble que cette façon de concevoir le rapport entre le présent et le passé, basé sur le caractère contradictoire de tous ces moments, qui conduira aussi le présent à son dépassement, est toujours téléologique. C'est là où, par exemple, je ne suis pas d'accord avec Daniel Ben Saïd, dans son livre « Marx intempestif », où il cite souvent Marx dans l'idéologie allemande pour dire que Marx n'est pas en train de proposer une pensée téléologique. C'est juste que c'est une téléologie différente. de celle qu'on trouve chez les philosophes. Et à mon avis, la forme la plus intéressante, la particularité de cette téléologie de Marx se manifeste de façon plus explicite dans le chapitre, dans le livre 1, qui porte sur la genèse historique du capitalisme. Au fond, la prétendue accumulation primitive. Je pense que c'est là où les choses se manifestent très clairement. Mais on ne peut pas en parler, malheureusement. Il faut en outre préciser que dans l'introduction, il est difficile de savoir si le rapport entre l'homme et le singe est censé être représentatif du rapport entre la forme plus récente d'une société et les formes plus anciennes de cette même société dont les traces subsistent dans sa forme la plus récente, ou s'il est représentatif de celui, ça veut dire du rapport, qui existe entre une société plus avancée et une société qui existerait au même moment et qui serait moins avancée. Vous voyez, là aussi, ce n'est pas clair. Est-ce que ce rapport entre l'homme et le singe désigne le rapport entre les différents moments historiques qui existeraient simultanément au sein d'une même société, ou est-ce que ça parle des rapports qui existeraient entre une société plus avancée et une société moins avancée. La suite de l'introduction laisse croire que les deux interprétations sont possibles. D'une part, Marx insiste sur le fait que dans chaque formation sociale, on a toujours plusieurs formes de production déterminée. C'est très important. Vous savez que Lénine dira la même chose. Et Althusser s'est beaucoup appuyé dessous. Par exemple, Lénine disait qu'à l'époque de la Révolution russe, la société russe, ou la formation russe, était marquée par, je crois, 5 ou 7 différentes formations sociales. C'est ce que dit Marx aussi dans Les Grands Lycées. Du coup, on a toujours plusieurs formes de production déterminées. Mais que c'est toujours une d'entre elles qui assigne à toutes les autres leur rang et leur signification. Cette lecture est explicitement affirmée par Marx un peu plus tard dans le texte. Là, je le cite. Il ne s'agit pas du rapport qui s'établit historiquement entre les rapports économiques dans la succession des différentes formes de société. Il s'agit de leur articulation dans le cadre de la société bourgeoise moderne. Fin de la citation. Il donne notamment l'exemple de la société bourgeoise. Le fait qu'à l'intérieur d'une telle société, c'est le capital qui permet de comprendre la rente foncière, mais pas l'inverse. Il semble donc que ce que Marx a en tête est moins le rapport entre la société bourgeoise et les autres formes sociales que le rapport entre l'aspect bourgeois de la société bourgeoise et ses aspects non bourgeois. En même temps, il se réfère souvent à des formes sociales non européennes dans l'introduction. Il donc laisse croire qu'il ne s'agit pas seulement du rapport entre les différentes catégories à l'intérieur d'une seule forme sociale, mais aussi du rapport qui existe entre la formation sociale la plus développée et les autres formations sociales, y compris celles qui existent en dehors de l'Europe occidentale. Ceci, me semble-t-il, est lié au fait qu'il croyait que le capitalisme, de même qu'il avait réussi à dominer les autres catégories économiques à l'intérieur des sociétés avancées, allait dominer et devenir dominant partout dans le monde, et que le rapport entre le capital et la rente foncière est de même ordre que celui qui existe entre la société la plus avancée, marquée par le capital, et une société moins avancée, toujours marquée par l'agriculture. Du coup, selon lui, il s'agit plus ou moins du même rapport. Quoi qu'il en soit, et pour revenir sur le rapport entre l'ordre conceptuel ou logique et l'ordre historique, ce que Marx vient d'établir le mène à contredire ce qu'il avait affirmé avant, afin de soutenir quoi? Parce que vous avez vu, au départ, il a dit qu'il existe des fois un rapport entre ces deux ordres, un rapport linéaire. Ce qu'il soutient à la fin, c'est ceci, je le cite. Il serait donc impossible et erroné de ranger les catégories économiques dans l'ordre où elles ont été historiquement déterminantes. Leur ordre est au contraire déterminé par les relations qui existent entre elles dans la société bourgeoise moderne. Et il est précisément à l'inverse de ce qui semble être leur ordre naturel, ou correspond à leur ordre de succession au cours de l'évolution historique. Fin de la citation. Du coup, là, il dit que les deux ordres ne se correspondent pas. Et que non seulement ils ne se correspondent pas, parfois l'ordre du concept et l'inverse même de l'ordre historique. Je vais finir par parler un peu de l'art et son rapport à la production. La dernière section de l'introduction commence par une série de questions et de remarques que, me semble-t-il, Marx se pose afin de les traiter plus tard. Parmi elles, trois me paraissent surtout très pertinentes. Et je vais juste les citer parce que ces remarques me paraissent très intéressantes, à vrai dire. Vraiment très intéressantes. D'abord, il dit, je le cite, « Comment par la guerre et dans les armées, certains rapports économiques, comme le travail salarié, le machinisme, se sont développés plutôt qu'à l'intérieur de la société bourgeoise ?» Que le rapport entre la guerre et la société civile. Deuxième remarque, reproche au sujet du matérialisme de cette conception, de sa conception, rapport avec le matérialisme naturaliste. Et après, il dit dialectique des concepts force productive, moyen de production et rapport de production. Et ça, c'est très important. Il dit dialectique dont les limites sont à déterminer et qui ne supprime pas les différences réelles. Et troisième remarque, il dit, l'histoire universelle n'a pas toujours existé. L'histoire en tant qu'histoire universelle est un résultat. L'autre question qu'il se pose porte sur le rapport inégal, ça je le cite encore, il porte sur le rapport inégal entre le développement de la production matérielle et par exemple celui de la production artistique. Fin de la citation. Et c'est à cette question que les dernières pages de l'introduction sont consacrées. Marx constate au départ qu'on ne peut pas expliquer des époques déterminées de floraison artistique par le biais du niveau général du développement économique. Certes, quand il s'agit d'expliquer un épanouissement artistique particulier, on peut bel et bien saisir ses rapports avec l'état général de la société. Mais c'est expliquer ce rapport de façon générale qui pose de vrais problèmes. Ces vrais problèmes peuvent être mieux saisis, selon Marx, si on se focalise sur l'art grec et surtout si on se demande d'où vient le fait que cet art continue d'exercer un impact si important sur nous. S'agissant du contexte d'émergence de cet art, expliquer son lien avec la société grecque de son temps n'est pas difficile. La société grecque était très peu développée en termes de maîtrise des forces de la nature. Tant que la capacité de dominer les forces naturelles n'existe pas encore de façon effective, c'est seulement dans l'imagination que cette domination s'effectue. Et c'est précisément le rôle joué par les différentes formes de mythologie. L'art grec avait besoin de cette mythologie et donc de cet état arriéré du développement des forces productives afin de pouvoir émerger. Pourtant, si l'art grec repose sur, je le cite, le stade social embryonnaire où il a poussé, fin de la citation, pourquoi arrive-t-il à exercer un tel niveau de charme sur nous? Pour Marx, l'art grec nous passionne car il nous rappelle notre enfance. Il ne faut pas pour autant vouloir reproduire cet art à notre époque, car ce faisant, on retombe en enfance. Par contre, il faut s'efforcer de reproduire la vérité de cette enfance historique à un niveau supérieur. Dans une démarche et strictement hegélienne, Marx nous dit qu'être fidèle à la vérité de l'art grec ne doit pas nous conduire à vouloir le reproduire de façon littérale. Il faut au contraire viser à reproduire la vérité de cet art dans un contexte de développement économique et social qui n'a plus rien à voir. Car vous savez, Hegel, comme le penseur conservateur par excellence, pense que le vrai conservatisme n'est pas le littéralisme. Parce que vous prenez par exemple même la vérité chrétienne. Si vous êtes véritablement chrétien, vous devrez prendre en compte le fait que le christianisme, par exemple dans son émergence historique, s'est produit dans un contexte historique déterminé. Étant donné que ce contexte historique a changé, si on veut être aujourd'hui fidèle à ce même christianisme de l'époque, vu que l'époque a changé, il faut être aujourd'hui fidèle à un christianisme qui devrait forcément avoir une forme différente. Parce que le christianisme, par exemple, de l'origine, et un rapport avec un contexte. Là, le nouveau contexte est différent. Du coup, le christianisme, si on veut être fidèle au même christianisme, le christianisme auquel il faut être fidèle aujourd'hui, ça doit être forcément, non pas un christianisme littéraliste, mais un christianisme différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Hegel, ça, c'est le véritable conservatisme. On dit que c'est le sens d'être fidèle à quelque chose qui est dans le passé. Et il me semble que dans le rapport avec l'art, Marx fait appel à cette façon de penser la vérité esthétique. Et il me semble que ceux qui ont travaillé ici, c'est pas mon cas, j'ai vraiment jamais travaillé sur les questions esthétiques que je trouve pour autant très passionnantes. Il me semble que c'est une vision très très limitée de l'art. Et par ça, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Non, merci. Merci beaucoup, Sina. Il nous reste du coup une cinquantaine de minutes pour la discussion. Donc, si vous voulez poser des questions, levez la main et je prendrai un tour de parole. Oui, Carantin. Oui. Pas question ou posez d'autres questions? Pardon? Vous posez pas question ou posez d'autres questions? Non, non, allez-y. Alors, quand je trouve de demander qu'est-ce qu'un syllogisme? Oh! qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le syllogisme, dans sa forme la plus élémentaire, c'est une catégorie logique qu'il s'agit d'établir un lien entre trois parties d'une phrase où on dit, par exemple, vous savez, ce qu'on appelle, par exemple, on dit les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça serait une forme de syllogisme logique, si vous voulez. C'est ça le syllogisme. Et disons, le syllogisme serait la forme générale d'un tel type de raisonnement. Ça vous paraît clair? Au fond, par exemple, pour Hegel, comme pour Aristote, ils pensent que le fait que le 3 est si important, pour Hegel surtout dans le christianisme, c'est le fait que pour pouvoir dire quelque chose de raisonnable, il faut au moins dire trois choses. Car si on veut dire quelque chose de logique, il faut dire au moins trois choses. Parce que le syllogisme, dans ce sens le plus élémentaire, se compose de trois parties. C'est par ailleurs pour ça que Hegel pense que c'est seulement le christianisme qui pense la figure de Dieu dans une forme, dans la forme de Trinité, arrive aussi à penser le Dieu dans une forme logique et pas l'islam ou le judaïsme. C'est clair ou non? Très bien. Parler de la vision de Lukács par rapport à l'histoire du singe et de l'homme. Ah oui, ça c'est... En fait, pour répondre à cette question, je vais faire un détour. Il me semble que, par exemple, il y a quand même, disons, ce rapport entre le moment le plus développé et le moment le moins développé chez Marx, se repose en dernière analyse sur un fait empirique qui est le fait de domination. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une société, par exemple la forme la plus avancée, disons la forme bourgeoise, doit être prise comme le point de départ pour comprendre les autres formations économiques à l'intérieur de la même société, parce que c'est cette formation, la bourgeoisie, qui les domine. De même, comme il a dit, l'histoire n'est pas toujours universelle. L'histoire devient universelle à un moment donné. Du coup, par exemple, moi je pense qu'à l'échelle mondiale, pour Marx, cette thèse, l'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe, devient effective seulement à partir du moment où la bourgeoisie devient la forme dominante partout dans le monde. Ça veut dire que, par exemple, avant l'émergence de cette histoire universelle, Marx serait éventuellement pas d'accord avec l'idée que la forme, par exemple, de la société la plus avancée soit la clé pour comprendre la forme de la société la moins avancée. Parce que tant qu'on n'a pas l'histoire universelle, il se peut qu'il n'y ait aucun rapport entre ces deux sociétés. À ce titre-là, je dirais qu'à la fin des fins, à mon avis, en tout cas dans les grands essais, la lecture de Marx, en fait, l'idée que Marx a de cette idée, c'est plutôt une thèse épistémologie, mais dans le sens de l'épistémologie historique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui serait là de l'ordre logique. C'est seulement l'histoire empirique, si vous voulez. Ça veut dire le développement effectif de l'histoire qui l'amène à soutenir une telle thèse, qui ne serait pas valable, du coup, pour toutes les sociétés. Le problème grave de Lukács et de Negri, à mon avis, est d'ontologiser. C'est-à-dire que dès lors qu'on ontologise tout ce qu'on trouve chez Marx, on ne peut plus. Vous voyez, c'est-à-dire, à mon avis, ce que je viens de dire, c'est une façon de sauver, finalement, ce que Marx raconte. En fait, en disant que, voilà, il ne s'agit pas de défendre une vision téléologique, ontologique ou logique. Il s'agit de dire qu'il faut procéder ainsi parce que c'est comme ça que les choses se sont passées dans l'histoire. Ils auraient pu que les choses soient autrement. Mais le fait est qu'elles ne sont pas autrement. Du coup, je vais défendre cette vision seulement par rapport à l'histoire effective de l'humanité, telle qu'elle s'est effectuée. Vous voyez ? À ce titre-là, il faut absolument éviter toute lecture ontologisante, à mon avis, de cet énoncé. C'est ce que ne font exactement pas Lukács et Negri. Parce que Lukács et Negri veulent en faire des thèses très générales qui ne sont plus liées à l'histoire effective, mais qui seraient, si vous voulez, vraies dans leur évidence logique. Là, Lukács, pour se faire, s'appuie sur Hegel. Negri, pour se faire, s'appuie sur Spinoza. Alors qu'à mon avis, dans les deux cas, c'est faux. C'est très, très faux. C'est très grave, en fait. Parce que ce faisant, à mon avis, on réduit Marx à un penseur qu'il faut absolument rejeter. En fait, la téléologie comme forme logique, c'est totalement stupide, si vous voulez. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, on peut imaginer ça, on peut imaginer tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec cela. Et à ce titre-là, il me semble que chez Ben Saïd et chez Žižek, malgré tout, la lecture est plus intéressante. En ceci que, surtout Ben Saïd, essaye quand même, à mon avis, de proposer une lecture justement épistémologique de cet énoncé. D'où, par exemple, l'animosité très explicite de Ben Saïd contre l'ontologie. C'est-à-dire, si vous lisez Marx intempestif, il y a même une rubrique, une partie du texte qui porte sur l'animosité de Marx à l'égard de la pensée ontologique. Chez Žižek, c'est plus ambivalent parce que, d'une part, en effet, il soutient une lecture épistémologie historique de cet énoncé, mais en même temps, il y a toujours une fonde ontologique chez Žižek que j'arrive pas à comprendre. C'est aussi lié au fait que Žižek avait été un penseur très peu cohérent et très éclectique et que c'est vraiment difficile à saisir de façon un peu cohérente ce qu'il veut dire. Mais c'est vrai que par exemple, lui, quand il dit que, selon lui, il dit que la thèse de Marx veut dire, c'est pas téléologie, c'est plutôt le fait que nous n'arrivons jamais, et ça par des faits concrets, historiques, on lit toujours l'histoire du passé par le biais du présent. Ça veut dire qu'on se situe toujours du point de vue du présent pour lire le passé. Du coup, ce n'est pas théologie, c'est le fait d'une lecture rétrospective que Žižek pense que c'est inévitable. Et le fait que l'histoire nous paraît comme conduisant au présent, c'est parce qu'on lit l'histoire du point de vue du présent. On est tout simplement incapable de faire autrement, voyez. Et ça, ce ne serait pas du coup, en fait, quelque chose d'ontologique. Ils auraient pu être que ça ne soit pas le cas. Mais chez les humains, vu leur histoire effective, on a d'habitude de lire l'histoire du point de vue du présent. Du coup, le fait qu'on est incapable de ne pas lire l'histoire de façon qui ne serait pas rétrospective. Mais est-ce que Marx ne veut pas dire qu'on peut déchiffrer l'histoire à partir du présent? Ce qui ne veut pas nécessairement dire que c'est une vision téléologique, c'est simplement que les catégories qui n'étaient pas manifestes dans le passé se sont développées et deviennent plus visibles. Explicite, et permettent rétrospectivement de comprendre le cheminement du passé, mais ce n'est pas forcément déterministe. Non, c'est pas. Oui, bien sûr, évidemment. Mais si vous voulez, le fait quand même dire que par exemple, on pourrait rétorquer à cela en disant que par exemple, mais pourquoi ça serait le sens explicite, le sens qu'auraient assumé ces catégories au présent? Pourquoi il faudrait utiliser ce sens-là des catégories dans le passé? C'est dialectique, quoi. Dialectique peut-être un peu. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que, justement, je ne pense pas que ça soit. Parce que, à dire, chez Hegel, à mon avis, c'est justement pas épistémologique. Ça veut dire que c'est ontologique. Vous voyez, chez Hegel, la science, la logique de Hegel, c'est un traitement ontologique. Ça commence par l'être. Chez Marx, il n'y a pas l'idée de l'être, malgré tout. Du coup, il me semble que, justement, chez Marx, ce qu'il fait est différent de ce que fait Hegel en ceci que. Il y a quand même. Au fond, il dit que c'est ce qu'on fait, quoi. En fait, ils auraient pu que ça soit autrement. Ce que j'essaie de dire, c'est que chez Hegel, dans son ontologie, en fait, ce qui s'est fait est aussi ce qui aurait pu se faire. Il ne peut pas y avoir un échappatoire. Vous voyez? Alors que chez Marx, il me semble qu'il n'aurait pas accepté que les choses soient autrement. Paul, tu as une question? Oui. Oui, pour revenir sur, du coup, comme c'est ça qui était évoqué, moi je pense que le point important, c'est celui vraiment que tu as développé, à savoir que, en fait, on te réduit souvent ce paragraphe à la formule, semble-t-il, téléologique du singe, etc. Mais quand même, l'essentiel du paragraphe, ça sert à dire il faut surtout pas projeter le sens des catégories présentes sur le passé. Et du coup, moi je pense que, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ta lecture, du coup. Mais je dirais qu'effectivement, il n'y a plus de téléologie au sens où la téléologie, c'est pas seulement que un état passé a mené à un état présent et que du coup cet état présent nous dit bien quelque chose de vrai sur ce qui était passé. C'est pour moi, la téléologie, c'est l'idée que l'état final a eu une causalité. Et que c'est au nom de l'état final que ça s'est développé comme ça. Or, là, chez Marx, l'idée, c'est justement que ce n'est pas l'ordre des choses tel qu'il est à la fin qui explique pourquoi on en est arrivé là. C'est dans l'ordre de la situation passée telle qu'il était, et sur lequel il ne faut pas projeter l'ordre des choses finales, qu'il y avait des contradictions qui, de fait, ont mené là où ça a mené. Mais du coup, en fait, je dirais que c'est... Finalement, c'est très basique ce que nous dit Marx quand il nous dit que la situation actuelle peut nous renseigner sur la situation passée. Ça veut juste dire que on connaît quelque chose quand ça a eu lieu, quoi. Un peu comme, on voit qu'il y avait des contradictions dans le capitalisme des dernières années quand la crise éclate. Et le fait que la crise éclate, ça nous révèle bien qu'il y avait une contradiction. À la limite, c'est même pas... Voilà, enfin, moi je comprends ça comme ça du coup. Le point important, c'est que c'est un passage antitéologique au sens où c'est un passage qui sert à nier que l'état final ait un rôle causal dans le développement historique. Et tout à fait, à dire, je comprends, mais disons là où. En fait, il me semble que je ne serais pas forcément d'accord avec sa vision, en tout cas celle qu'il développe ici, c'est que, certes, disons, à mon avis, il dit qu'il ne faudrait pas forcer l'articulation des catégories au présent sur l'articulation des catégories au passé. Or, s'agissant du sens de chaque catégorie, il dit que justement, c'est le sens de chaque catégorie au présent qu'on doit utiliser pour comprendre le passé. Ça veut dire qu'il y a deux choses, si vous voulez. Il y a les catégories et il y a leur articulation. Ce qui change, donc, par exemple, le problème des philosophes ou des économistes classiques serait que il impose l'articulation entre catégories telle qu'elle se fait au présent dans le passé. Pour Marx, chaque société, chaque moment historique a une articulation différente de ces catégories. Or, il faudrait utiliser, pour comprendre chaque catégorie, pour ensuite, d'abord il faut savoir ce que c'est chaque catégorie, pour après on comprend l'articulation, il faut, même dans le passé, comprend chaque catégorie dans le sens explicite. Là, il y a vraiment son démarche. Ça veut dire que, par exemple, même le thème qu'il utilise implicite à l'explicite, ça veut dire que c'est un concept qui, au départ, est indéterminé, etc., son manifeste devient plus déterminé dans le futur. À ce titre-là, et par ailleurs, c'est même la démarche qu'il a suivie dans le Capital. Ça veut dire qu'on a un concept qui se développe, etc., etc., de façon interne, etc., etc. Là, je repère quand même une théologie. Ça veut dire que je serais d'accord pour dire que c'est certainement pas de la théologie qu'on repère chez... En fait, c'est pas une théologie ordinaire, mais c'est une théologie. Ça veut dire que c'est une théologie conceptuelle, disons, quand même. On est d'accord sur la lecture. C'est juste... En fait, on peut avoir soit une interprétation forte de ces termes d'explicite, implicite, en disant que du coup, en fait, c'était la vérité qui était toujours déjà là, et elle-même qui était à l'œuvre déjà dedans. Moi, la lecture que j'aurais, peut-être parce que je veux sauver Marx de la théologie de façon trop forte, c'est de dire que simplement le fait que... Ce qui veut dire, c'est que le fait que ça s'est développé de telle façon, ça c'est un fait qu'on peut observer, c'est comme ça, c'est historique, c'est donné, c'est devenu empirique, prouve qu'il y avait dans la situation avant telle contradiction, telle, etc. Et donc, du coup, ça ne me semble pas forcément théologique. Ça veut juste dire simplement que les éléments, avant de délivrer leur sens, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de sens en eux-mêmes, mais que Je comprends. Mais juste une remarque très rapide. À mon avis, en tout cas, ceux qui s'intéressent en effet à cette voie-là, et c'est totalement légitime, absolument, il me semble que ça serait intéressant d'essayer de lire Marx ici en s'appuyant justement sur l'épistémologie de Bachelard, principalement. Il faut surtout éviter, à mon sens, franchement, Lukács et Negri. Ça veut dire que toute lecture ontologisante de ces énoncés conduira à des impasses. Alors que Bachelard, je pense que sa vision de l'épistémologie historique correspond grosso modo à ce que tu as en tête. À ce titre-là, ça sera intéressant de relire Marx, non pas avec Althusser, etc., mais plutôt avec Bachelard, parce que Althusser, déjà par rapport à Bachelard, une régression vraiment assez triste, disons quand même, me semble-t-il. Pardon. Oui, je trouvais très intéressant que vous retraciez l'évolution de la méthode de Marx et ses errements. Et finalement, on est là dans une pensée toujours vivante et qui se met oui, à fait. On aboutit à cette méthode qui est là dans le Capital. Et je voulais revenir sur le premier point. Vous disiez qu'il accordait une prééminence au moment de la production par rapport aux autres. Mais est-ce que ce n'est pas justement parce que pour Marx, c'est là que se situe le scandale? C'est quand même en ce lieu qu'a lieu l'extraction de la plus-value et le vol de la force de travail. Donc, je veux dire, il ne faut jamais perdre de vue que Marx n'est pas seulement un penseur, c'est aussi quelqu'un qui veut agir sur le présent. Et donc, je me demande dans quelle mesure on peut y faire ce... Non, mais tout à fait. Il ne faut pas prendre en compte cette donnée-là. Tout à fait. En fait, ça veut dire, justement, moi, il me semble que la raison pour laquelle là, j'étais critique à l'égard de sa démarche, c'est parce que je pense quand même dans le Capital, si vous voulez, le fait d'avoir surestimé, à mon avis, si vous voulez, le poids de la production et sous-estimé le rôle joué par la circulation, par l'échange, etc. En fait, une grosse partie des problèmes associés à la théorie économique de Marx sont vraiment liés à cela. Et ces problèmes se manifestent dès lors qu'on s'intéresse à ce qu'il fait dans le livre 3, surtout au problème de la transformation des valeurs en prix de production. Mais aussi, si vous voulez, le problème de la valeur d'usage. C'est-à-dire que la valeur d'usage et son importance dans les interactions économiques est sous-estimée chez Marx. Ça veut dire que finalement, évidemment, pour la prendre en compte, il s'appuie sur la théorie de l'offre et de la demande, mais qui est très problématique, parce que c'est lui qui était censé, malgré tout, expliquer l'offre et la demande par la production... Elle disparaît au profit de la valeur d'échange. Non, mais justement, si vous voulez, la théorie de Marx, cette façon unilatérale de valoriser la production aurait été convaincante si, à aucune partie de sa théorie, Marx ne faisait pas appel à l'offre et la demande. Le problème de Marx, c'est qu'au départ, il dit qu'il va justement utiliser la production afin d'expliquer ce que les économistes vulgaires expliquent par l'offre et la demande. Mais dans le livre 3, il fait appel toujours à l'offre et à la demande pour expliquer la formation des prix. Et c'est exactement dessous qu'il a été critiqué, parce que finalement, les économistes, les membres de l'école autrichienne, disons l'école marginaliste, ils lui ont dit « Ah ah ah !» Du coup, justement, évidemment, il s'intéressait à la production parce qu'il s'intéressait seulement au temps de travail. Alors que le travail n'est pas seulement le temps, mais aussi sa forme. Et cette forme de travail, qui est aussi liée à la forme du produit, c'est lié à la valeur d'usage. Or, ils disent que nous, on s'intéresse évidemment à la valeur d'usage. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'offre et à la demande. Parce que c'est ça la question économique principale. C'est seulement quand il s'agit de la même valeur d'usage ou de la même forme de travail que le temps de travail devient déterminant. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que déjà dans le Capital, me semble-t-il que ce sont des problèmes, vous comprenez, ce sont des problèmes. Et il me semble que dans les grands essais, dans la manière dont il essaie d'expliquer la prééminence de la production, c'est toujours problématique. Comme j'ai dit, à mon sens, ce n'est pas une explication dialectique du rapport entre ces différents moments. D'autant plus que je ne comprends quand même pas pourquoi la totalité de ces moments doit porter le nom de la production. Alors que, comme je l'ai dit, on peut dire que la totalité porterait le nom de l'économie. Voilà, on dit l'économie, par exemple, on dit l'économie française, c'est l'économie mondiale. Ok, l'économie mondiale. Après, c'est l'économie mondiale à un certain nombre de moments, production, distribution, etc. Et après, évidemment, il faut avoir un aspect dialectique, là, je suis d'accord. Mais pourquoi la totalité s'appellerait la production ? L'ordre, justement, des moments dans la société, il me semble, dans la société capitaliste, le moment de la production est gommé. Mais bien sûr. Et lui veut lui redonner sa prééminence. Mais redonner ne veut pas dire qu'on fait l'inverse. Si quelqu'un fait une erreur, en fait, la corriger ne veut pas dire qu'on fait exactement l'inverse. Je suis d'accord avec vous totalement, mais me semble que la bonne attitude aurait été une approche plus dialectique où justement chaque moment joue son rôle dans un rapport dialectique avec les autres. Et pas genre le fait que chez les économistes, par exemple, chez les autres économistes, la production est souvent gommée, comme vous l'avez dit. La correction de cette erreur ne concerne pas à juste donner trop d'importance à la production. En tout cas, me semble-t-il. C'est pas une ontologisation, Non, si, j'en pense qu'au vie. Là, je saurais, voilà. Encore une fois, mauvaise influence d'Hegel. De l'ontologie. Ça veut dire de l'ontologie. Ça veut dire, il faut libérer Marx, à mon avis, de l'ontologie. Vraiment, si on veut vraiment, à mon avis, mettre à jour la pensée très pertinente, c'est pour ça que je travaille tellement dessous, ça fait des années. Arrêter. Moi, je pense qu'il faut libérer Marx des tendances ontologiques qui existent chez lui. Malgré tout. Oui. Je voudrais que tu prévises une question qui est plutôt méthodologique. Quand tu travailles la question de comment comprendre l'ancien par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Dans le texte de Marx, il dit que c'est dans le système le plus évolué, donc le plus actuel, qu'on a les éléments pour comprendre ce qui s'est passé dans les systèmes anciens. À peu près sur le livre, de façon très, très schématique. Mais il ne dit pas que l'ancien est modifié par une nouvelle compréhension, mais qu'elle est manifestée d'une autre façon. L'ancien s'est manifesté et il s'est manifesté tel quel, il est toujours manifesté comme il l'a fait. C'est la compréhension de cette manifestation qu'on saisit mieux par l'actualité. C'est ce que j'ai compris. Là, je ne vois pas trop la contradiction. C'est-à-dire, je ne vois pas. Là, on est dans une question de compréhension, c'est-à-dire comment on interprète. On n'est pas dans une évolution ou une modification du passé. C'est là où je pense qu'il y a deux niveaux de raisonnement. L'interprétation du passé et comment le réel est qui n'est pas modifié par la nouvelle interprétation. Bon, ou par une interprétation plus large. Donc je ne vois pas bien la critique à ce niveau-là. Parce que je pense qu'on est en train de travailler à deux niveaux de concept. Alors maintenant, je ne me souviens pas des textes de l'idéologie allemande que tu as cité, parce que je crois qu'on l'a travaillé ici, sur la critique qui est faite à un certain nombre de philosophes de l'époque, dans les critiques de fait et de fait, sur ces critiques, dans le sens qu'ils sont en train de partir du présent pour faire devenir éternel ces termes de catégorie actuelle en les attribuant au passé. Mais là encore, on est dans un troisième niveau de raisonnement. Il est certain qu'il existe des contradictions entre ce qui est développé dans l'idéologie allemande et ce qui est développé plus tard par Marx dans les textes économiques, mais je crois que la critique qu'il fait de ce qui attribue aux catégories anciennes une existence éternelle, parce qu'il pense que les catégories actuelles peuvent expliquer le passé parce que ce sont les mêmes catégories, c'est une critique qui se situe à un certain niveau, et non pas au niveau de la compréhension dont il parle dans les bourses je ne sais pas si je suis clair, mais là, donc, j'ai pas, cela m'amène à une mauvaise interprétation, à un manque de compréhension claire de ce que tu as présenté sur cette question de qu'est-ce qu'il y a de mal et où est la contradiction, où est le problème. Et en fait, ça veut dire... Clair. Oui, tout à fait. En fait, s'agissant de l'interprétation du passé, évidemment, d'un passé qui serait dans le passé, il ne s'agit pas de le modifier, mais là où cette question du rapport entre le présent et le passé devient important, y compris dans ses dimensions pratiques, c'est quand il s'agit, par exemple, quand il s'agissait déjà à l'époque de Marx, de se positionner sur le rapport des sociétés dites arriérées du temps et les sociétés modernes, tous en même temps. Par exemple, justement, toutes les correspondances avec les socialistes russes portent sur cette question. Est-ce que le rapport entre ce passé et ce présent, est-ce qu'en Russie, ça serait la même chose ou non, etc., etc. Et c'est finalement, si par exemple, l'état de la Russie de l'époque serait, disons, un état arriéré, si la lecture qu'on en fait sera à partir de l'analyse des catégories dans le présent d'une société bourgeoise, évidemment, on aura une lecture très différente et par la suite une pratique très différente que si on essayait de comprendre ces catégories à partir de la réalité effective de la Russie elle-même. C'est là où la question touche aussi la pratique. Évidemment, il ne s'agit pas, par exemple, si le singe dans cette idée, si le singe représente juste le passé, par exemple, disons, de l'Angleterre, c'est une chose. Mais si le singe représente à la fois le passé de l'Angleterre, mais aussi l'état de la Russie, qui est contemporain de l'Angleterre, disons, développée, c'est toute une autre question, si vous voulez. Par ailleurs, encore une fois, il me semble qu'il faut distinguer, s'agissant de ce rapport entre le présent et le passé, deux choses. Il y a les catégories, comme l'argent, comme le travail général, comme il dit, il y a l'articulation entre les catégories. Ce qui change, selon Marx, me semble-t-il, c'est l'articulation entre les catégories, l'erreur de l'erreur, par exemple, des économistes et philosophes, c'est de voir l'articulation entre les catégories bourgeoises partout dans l'histoire. C'est ça l'erreur, c'est ce avec quoi Marx n'est pas d'accord. Alors que, s'agissant des catégories elles-mêmes, il pense que justement, par exemple, la catégorie du travail, il dit que, par exemple, en Russie, les gens sont indifférents. On trouve en Russie aussi un travail général, aux États-Unis aussi. Mais finalement, il dit que, par exemple, il faut entendre le vrai sens du travail général, non pas dans son sens russe, mais dans son sens américain. Là, ça veut dire qu'il faut comprendre la Russie. Pourtant, il dit que, pourquoi c'est ce qui se passe aux États-Unis qui est plus important? Parce que le travail général aux États-Unis a une articulation toute différente de l'articulation qu'a le travail général en Russie arriérée. En ceci que l'articulation américaine repose sur la centralité du travail général, alors qu'en Russie, le travail général n'est qu'à un moment très secondaire, éventuellement point important de cette articulation de la totalité. Il y a d'autres catégories en Russie qui sont plus importantes. Encore une fois, mais la compréhension du travail général en Russie toujours repose sur sa compréhension aux États-Unis. Et ça peut poser un problème. On peut tout simplement dire, voilà, par exemple, imaginez comme je suis un historien, je dirais qu'il faut essayer de comprendre le sens de la catégorie de travail général aux États-Unis, telle que cette catégorie est comprise aux États-Unis, et il faut comprendre le sens de la catégorie de travail général en Russie, telle qu'elle est comprise en Russie. Je peux dire ça. Je peux dire que la clé de l'anatomie du singe est la clé pour comprendre l'anatomie du singe, tout simplement. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème. Après, vous pouvez totalement défendre l'attitude de Marx. Il y a bien des égards, je suis d'accord. Encore une fois, si on en fait une lecture épistémologique, historique, et pas ontologique. Mais dire qu'il n'y a pas de problème, me semble-t-il, il ne faut pas effacer le problème. Sur votre deuxième remarque sur l'idéologie allemande, je comprends ce que vous dites, mais je pense que, en tout cas, dans ma manière de reconstituer un peu son argument, il me semble qu'il y a des proximités de temps en temps, si vous voulez. Après, évidemment, il y a des différences. Mais j'ai essayé de citer les phrases de l'idéologie allemande qui me paraissaient plus ou moins pertinentes par rapport à son argument dans l'introduction. Peut-être que je ne l'ai pas fait de façon correcte, non, ça, je vous l'accorde absolument. Jean, tu étais inscrit aussi ? Oui, c'était une question pour revenir sur la question de la téléologie. Tu as parlé à un moment de regard rétrospectif. Et en fait, cette formulation permet de mieux comprendre ou de qualifier ce que tu appelles une perspective épistémologique. C'est-à-dire que si on considère que c'est seulement une question de regard rétrospectif, à ce moment-là, on ne perd pas la variété des différentes catégories, même en utilisant les catégories du présent. Parce que dans les questions, on avait l'impression que c'était quelque part un appauvrissement de la démarche historique d'utiliser les catégories du présent pour comprendre le passé. Et en fait, tu montres qu'au contraire, ça permet de voir comment elles s'articulent très différemment dans le passé, dans plein de sociétés du passé, et même du présent, si elles sont encore féodales ou je ne sais quoi. Exactement. Donc, mais est-ce qu'il faut pour autant parler de téléologie? Est-ce qu'il ne suffit pas de parler de regard rétrospectif? Mais justement, c'est, okay. C'est pas de la téléologie oui, pour mais, autant. Mais j'aimerais bien, mais le problème c'est que par exemple, cette démarche, où on commence par la marchandise qui a deux côtés contradictoires, tu sais, chaque étape mène à l'étape suivante, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne trouvera jamais chez Bachelard, tu vois. Là où on a affaire vraiment à un regard rétrospectif, par ailleurs, revendiqué. Bachelard le revendique. Oui, oui, il le revendique. Mais là, il ne s'agit pas d'écrire un traité où on commence par une catégorie abstraite, et où la catégorie se complexifie au fur et à mesure par une genèse interne. Ça veut dire que là oui, où ça, Marx suit Hegel, c'est un peu difficile. Il me semble qu'il y a des éléments là où il suit Hegel, parfois il y a des tentations ontologisantes. Oui, qui n'est pas la seule chose. Là, je suis d'accord. Comme dire que c'est pas la seule chose. Si c'est analysé de façon interne aussi, il s'agit d'une cause efficiente, pas d'une cause finale. Enfin, il n'y a pas de téléologie au sens fort dans ce développement-là. Alors, si peut-être, s'il y a des traces de. La loi de la baisse tendancielle de taux de profit, quand même. Quand même. Évidemment, on pourrait la taxer de téléologie négative. Non mais c'est vrai, téléologie négative, parce que certes, je suis totalement d'accord, il n'y a aucune téléologie positive chez Marx. D'accord. Mais la baisse en de profit, c'est l'idée qu'à la fin des fins, en fait, c'est marqué, justement quand on dit que le capitalisme est forcément marqué par son dépassement, et pas forcément par l'avènement de quelque chose de différent, mais tout simplement l'entrée en crise de cette formation marquée par la loi de la baisse en de profit, j'y vois quand même une tentation téléologique, quoique de façon négative. On s'en motive. Moi, je voulais pas reparler de ça, mais du coup, j'en parle. Comment ? Juste l'analogie que tu fais avec le développement du capital, en disant que quand tu dis que même dans le capital, la contradiction de l'argent qui débouche sur le capital, de la marchandise qui débouche sur l'argent, enfin, dans l'ordre inverse, etc. Il y a quand même. Le problème n'est pas le même, au sens où, dans un cas, on a une genèse logique, c'est une genèse des concepts, alors que là, ce qui pourrait poser problème s'il y avait vraiment ce type de téléologie, c'est qu'en plus, ce n'est pas la genèse logique, c'est la genèse historique. Du coup, à mon avis, du coup, le problème est un petit peu différent. Et du coup, pour revenir juste à la loi du taux de profit, en fait. Ça devient une question de mots, mais à la limite, ce dont on pourrait accuser Marx, ce serait plus de déterminisme que de téléologie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, à mon avis. Mais en tout cas, enfin, peu importe. Moi, ma question, c'était. Là, c'est juste une vraie question. Tu as du coup essayé de montrer qu'il y avait des tensions entre différentes méthodes dans l'idéologie allemande, dans les contre-issues et dans le capital. Est-ce que tu pourrais juste réexpliquer, je ne suis pas sûr d'avoir compris, la différence que tu vois entre la méthode des groupes trisseux et celle du capital? J'ai bien compris entre l'idéologie allemande, ce que le fait que c'était plus empirique, etc. Mais du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris entre les groupes trisseux et le capital. Parce que j'ai l'impression que la genèse de l'abstrait au concret, etc., est globalement la même dans les deux livres, en fait. Mais tout à fait. Mais en fait, il me semble que ce qui est, en fait, disons, le concret immédiat est axé dans les grands récits de chaotique, mais pas de trompeur. Alors que dans le Capital, le concret, ça trompe, ça nous trompe. Il faut s'en méfier. Et ça, c'est lié au fétichisme de la marchandise. En ce sens-là, je dirais que dans les grands récits, il est quand même avoué que, justement, ça, c'est l'ambiguïté de ce qu'il appelle la bonne méthode. On part du concret chaotique pour en dégager des représentations, mais il ne faut jamais oublier que la partie la plus importante, c'est de revenir, de refaire le chemin de ces déterminations abstraites au concret qui deviendra par la suite total. Alors que dans le Capital, d'abord, le point de départ, c'est voilà, une catégorie logique, plus ou moins. C'est marchandise, mais marchandise entendu en un sens très, très conceptuel. Et par exemple, dans le livre 3, il y a à plusieurs reprises, en réalité, dans justement la partie sur la transformation, il dit qu'il faut se méfier, parce que justement, si on s'intéresse à la réalité empirique, ça nous trompe, les choses nous apparaissent sans dessous-dessous, etc., etc. Du coup, vous, que la réalité empirique n'est pas tout simplement chaotique, mais trompeur. Elle est dangereuse. Il faut s'en méfier. Du coup, il me semble que l'attitude dans les grands récits serait, je dirais, plus dialectique, alors que dans le Capital, il y a un théorisme qui est lié voilà, à cette méfiance à l'égard du caractère trompeur de la réalité empirique marqué par le fétichisme de la marchandise. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais il me semble que c'est peut-être ça la différence. Je pense que, du coup, c'est vraiment pour toi la question du fétichisme qui infléchit un peu la... Tout à fait, exactement. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit que, malgré tout, à mon avis, le Capital est principalement marqué, non pas par Hegel, mais par Feuerbach. Je pense que le véritable... Pense, évidemment, la forme du développement, la méthode hegelienne, mais le fétichisme de la marchandise, comme je l'ai dit, c'est présent chez Hegel, mais c'est vraiment Feuerbach qui, dans le sens du christianisme, en fait l'alpha et l'oméga d'une théorie critique, en l'occurrence de la religion. Et ensuite, ça passe par S et Marx le reprend pour en faire le fétichisme de la marchandise. Et franchement, dans le livre 3, dans le livre 1, évidemment, il a un statut très secondaire, mais dans le livre 3, il est partout presque, bien que parfois, souvent de façon implicite, disons. Après, paradoxalement, chez Feuerbach, il oppose aussi à Hegel, au contraire, une certaine confiance dans la réalité la plus sensible, immédiate, et contre l'idéalisme de Hegel, justement. Et bien sûr. Donc, en un sens, c'est un Feuerbach qui serait presque un peu retourné, en fait. Bien sûr, oui, tout à fait. Okay. Oui, ça veut dire, par ailleurs, ces questions-là sont tellement complexes que ça vaut la peine de les analyser de façon bien plus détaillée, bien évidemment. C'est intéressant, la question que tu dis sur le fétichisme. Il est presque 30, donc je serais plutôt pour mettre un terme à la discussion. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit vous jeter sur Sina pendant qu'on file la salle, soit sinon, en fait, on a l'habitude à chaque fois de prendre un verre à la fin de la séance au pub Galussac juste au coin de la rue. Donc évidemment, tous et toutes sont bienvenus. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de séance la semaine prochaine et que donc on vous retrouve le 5 novembre pour une séance sur l'Indonésie. Merci. Merci beaucoup. Sina, essayez de demander un truc. T'es pas trop fatigué? Non, pas du tout. Je veux juste...